Est-ce encore moi qui te fais agir ainsi? Qu'ai-je fait pour que tout à coup ton ciel s'obscurcit? Tu ne réponds plus et tu agis avec tant de mépris. Oh, parle-moi, toi qui as bouleversé ma vie. Je t'aime encore, je t'aime encore plus fort. Je t'aime encore, cela durera jusqu'à la mort. Moi qui t'aime à la folie, chaque jour de ma vie, les souvenirs m'accrochent encore à toi. T'es la plus forte quand il s'agit de dire que tout est fini. Oh, ça fait si mal d'être trahi par toi. Tu t'éloignes parce que je t'aime trop. J'aime parfois plus qu'il en faut. Tu t'éloignes parce que je t'aime trop. J'aime parfois plus qu'il en faut. Plus qu'il en faut. Je t'aime encore. Je t'aime encore plus fort. Je t'aime encore, mais cela durera jusqu'à la mort. Je t'aime encore, je t'aime encore plus fort. Je t'aime encore, mais cela durera jusqu'à la mort. Cela durera jusqu'à la mort.